إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذه من النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان عظيمتان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يرشد بها أمته إلى الطريق المستقيم والمنهج القويم في تعامل بعضهم مع بعض. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أيها المسلمون، التواضع خلق شريف يمنحه الله على من يشاء من عباده، فيجعل في قلبه التواضع، وهذا التواضع عز للمسلم وشرف له ورفعة لقدره في الدار في الدنيا والآخرة. وبضده الكبر والبغي على الناس، ذل وهوان في الدنيا والآخرة. والتواضع نعمة يتفضل الله بها على من يشاء من عباده. ثم اعلم أيها المسلم أن أعظم التواضع تواضعك لربك جل وعلا، وذلك بأن تستيقن وتستحضر عظيم نعم الله عليك وعظيم فضله وآلائه وإحسانه إليك. فهو الذي خلقك، وهو الذي رباك بالنعم، وهو الذي منحك السمع والبصر والفؤاد، وهو الذي خلقك في أحسن تقويم. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا عرف العبد عظيم نعم الله عليه وعظيم آلائه، تواضع لعظمة الله واستكان لربه وذل لربه تواضعا، تواضعا يدعو إلى العمل الصالح والاستقامة على الخير. فإن الفضل والنعم ظاهرة وباطنة من الله تفاضلا وإحسانا. فالمسلم يتواضع لربه بقبول أمره والبعد عن نهيه والسمع والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم ضد ذلك بالكبر، فوصف الكبر بقوله عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، فلا يرد الحق إلا متكبر، ولا يغمط الناس حقوقهم إلا متكبر. أما القابل للحق والراضي به والمستجيب لله ورسوله فذاك المتواضع حقا. Chers musulmans et musulmanes, l'imam Muslim rapporte dans son sahih, selon Iyad ibn Himal radiyallahu anh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah m'a révélé, soyez modestes, de telle sorte que les uns ne s'enorgueillissent pas vis-à-vis des autres et que les uns n'oppriment pas les autres. Ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie des paroles qui sont nombre, qui sont en petit nombre, mais dont les sens sont immenses. Des paroles dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite et invite sa communauté au droit chemin et à être entre eux et à se comporter entre eux de la meilleure des façons. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le fait d'être humble et d'être modeste fait partie des nobles caractères qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Allah azza wa jal met la modestie dans le cœur du musulman. Et cette modestie est pour le musulman une force, un honneur et une chose qui l'élève dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Son contraire est l'orgueil et le fait d'opprimer les gens. Ceci est une humiliation, un rabaissement et une bassesse dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ça, chers musulmans et musulmanes, que la plus grande modestie dont tu dois faire preuve est la modestie envers ton Seigneur, en étant persuadé et en prenant en compte et en réalisant l'immense grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et les bienfaits innombrables dont il te comble. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a comblé de bienfaits, c'est lui qui t'a accordé la vue, l'ouïe et la raison, et c'est lui qui t'a créé de la plus parfaite des façons. Il dit Azza wa Jal, et il n'y a pas un bienfait sans qu'il ne provienne d'Allah. Et il dit Azza wa Jal selon le sens, et c'est Allah qui vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissiez rien, et c'est lui qui vous a accordé l'ouïe, la vue et la raison, peut-être seriez-vous reconnaissant. Lorsque le musulman prend en considération les bienfaits d'Allah sur lui, eh bien il est pris de modestie et il devient humble devant l'immensité de son Seigneur. Il l'invoque, Azza wa Jal, et cela l'amène à accomplir de bonnes œuvres et à persister dans le droit chemin. Sache que tous les bienfaits apparents et cachés proviennent d'Allah et sont une bienfaisance d'Allah envers toi. Ainsi, humilie-toi devant ton Seigneur et sois humble et modeste en obéissant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'orgueil comme étant le fait de rejeter la vérité et de rabaisser les gens. L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de rabaisser les gens. Ne rejette donc la vérité que l'orgueilleux et n'humilie les gens que l'orgueilleux. Quant à celui qui accepte la vérité, quant à celui qui se conforme aux ordres d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, eh bien celui-ci est le modeste véritablement. ثم اعلموا ان من التواضع ان تتواضع لاخوانك المؤمنين قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هكذا أرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتواضع لأهل الإيمان وأهل التقى تواضع محبة وإناس بهم وانشراح صدر لهم ومحبتهم ومواساتهم والوقوف معهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فهم مع المؤمنين تواضع ومحبة ومودة وموالاة هكذا المؤمن مع إخوانه المؤمنين، هذا التواضع يدعو إلى نصيحتهم ومحبتهم والبعد عن غشهم وخيانتهم، وأن يكون موقفه معهم موقف المحب الناصح الباذل للخير البعيد عن الشر، فيأمنون شره ويأمنون غوائله ويأمنون خبئه ويأمنون غشه ويأمنون خيانته، ويؤملون فيه بعد الله عز وجل الخير والهدى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et parmi les formes d'humilité et de modestie, il y a la modestie du musulman envers ses frères musulmans. Allah Azza wa Jal dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam: et baisse ton aile pour les croyants qui te suivent. Et baisse ton aile pour les croyants qui te suivent. Allah Azza wa Jal incite donc son prophète sallallahu alayhi wa sallam à être modeste envers les gens de foi, les gens de la piété. Une modestie qui amène à aimer ces gens et à ouvrir sa poitrine pour eux, à être à leur côté et à les soutenir. Il dit Azza wa Jal: ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime modeste envers les croyants. Ainsi les croyants sont modestes les uns vers les autres. Une modestie accompagnée d'amour, d'affection et d'entraide. Ainsi est le musulman envers ses frères musulmans. Une modestie qui l'appelle à conseiller ses frères, à les aimer et à s'éloigner du fait de les tromper ou de les trahir. Ainsi le musulman, envers son frère musulman, l'aime et le conseille, lui prodigue le bien et s'éloigne de tout mal. Ainsi les musulmans sont épargnés de son mal, ils sont épargnés de sa tromperie, ils sont épargnés de sa trahison. Et les musulmans envers le musulman modeste espèrent après Allah le bien et la guider. Il dit Azza wa Jal, il dit sallallahu alayhi wa sallam: l'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Ayyuha ash-shab al-muslim tawadhu' liman huwa akbar minka sinna tawadhu'an yaqtadi ikramahu wa ijlalahu wa an la tu'dhiyahu wa an la tarfa'a sawtaka alayhi wa an tadhkura lahu kibra sinnihi وعمره في الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من جلال الله إكرام ذي الشيبة من المسلمين وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه. فإكرامك ذا الشيبة من المسلمين دليل على تواضعك، إكرامك له دليل على نفسك الطيبة، إكرامك له دليل على أصالتك في الخير. فإياك أن يخدعك شبابك، فلا تبالي بالأكبر سنا ولا تنظر له إلا نظر احتقار وازدراء. هكذا هذا كله نقص في الإيمان. أما التواضع في المسلم فيجل الكبير ويحترمه ويرى له فضلا وسابقه. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته ورباهم على هذا الخلق الكريم. Ô toi le jeune, sois modeste envers ceux qui sont plus âgés que toi. Sois modeste, une modestie qui t'amène à respecter et à honorer ceux qui sont plus âgés que toi, de ne pas les offenser, de ne pas élever ta voix sur eux et de te rappeler que leur âge et les années qu'ils ont vécues dans l'islam sont un mérite au-dessus de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: fais partie de la considération d'Allah le fait d'honorer celui qui est âgé parmi les musulmans et d'honorer celui qui connaît le Coran par cœur. Une personne qui connaît le Coran par cœur, sans abuser dans ce Coran et sans manquer à son égard. Ainsi, respectez la personne âgée, chers musulmans, chers jeunes musulmans, est une preuve de ta modestie. Le fait de l'honorer est une preuve que ton âme est bonne. le fait de bien te comporter avec lui montre que ton comportement est louable. Ainsi, prends garde à ne pas être dupé par ta jeunesse, au point de ne pas prêter attention, voire même de regarder avec le regard de mépris celui qui est plus âgé que toi. Tout ceci est un manque dans la foi. Quant à la modestie du musulman, elle l'amène à respecter et à considérer celui qui est plus âgé que lui. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint sa communauté de faire et ainsi a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses compagnons dans son chemin. Ayyuha al-muslim, inna a'zama al-huquqi alayka ba'da haqqi Allah, haqqu al-walidayn. فقد أمرك الله بالتواضع والذل لهما في الطاعة. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما تواضعا مقرورا برحمة ومقرورا بعطف، كلمات طيبة وخطاب لطيف وتقدير لمواقف وتذكر للجميل السابق والمعروف الماضي، هكذا يكون المسلم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فلا ترفع الصوت عليهما ولا تقسو عليهما في الخطاب ولا تعاقبهما عن زلل، وإنما التواضع لهما والمحبة والشفقة والخدمة والحنان والتلطف في الأقوال والأعمال، هكذا يكون المسلم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مع هذا التواضع ومع هذا العمل يدعو الله أن يرحمهما ويحسن إليهما، فلسان حاله يقول: يا رب لم أستطع القيام بحق الوالدين، يا رب لم أقدر على أن أوفيهما حقهما مع البر والإحسان، يسأل الله لهما المزيد من الخير والرحمة. هكذا يكون المسلم مع أبويه، هكذا المسلم الحقيقي الذي يرجو الله ويخاف عقابه. وقد جعل الله برهما سببا لصلاح القلب وبركة الرزق وتواصل البر في الأبناء والأحفاد. Chers musulmans, sache également que le plus grand droit après le droit d'Allah est le droit de tes parents. Allah Azza wa Jal t'ordonne d'être humble et modeste envers eux dans l'obéissance. Il dit Azza wa Jal: si l'un, deux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Ainsi, baisse pour tes parents l'aile de l'humilité, accompagnée de la miséricorde, c'est-à-dire, sois humble et modeste envers eux. Une modestie accompagnée de douceur, de gentillesse, de paroles douces et respectueuses. Des paroles qui font ressentir le respect que tu leur portes et la reconnaissance du bien qu'ils ont envers toi. Ainsi est le musulman. Il baisse pour eux l'humilité, l'aile de l'humilité. Il n'élève pas la voix sur ses parents et il n'est pas dur lorsqu'il leur adresse la parole, mais il est modeste envers eux. Il les aime. Il est à leur service et il leur prodigue des paroles et des actes louables. Puis Allah Azza wa Jal dit: et baisse pour eux, et par miséricorde, baisse pour eux l'aile de l'humilité, et dit: Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. En plus de cette miséricorde, en plus de cette modestie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire preuve envers nos parents, il nous ordonne également d'invoquer en leur faveur, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse entrer dans sa miséricorde. Ainsi, ce musulman modeste qui invoque en faveur de ses parents, cela revient à ce qu'ils disent, ô Seigneur, je ne peux rendre le droit, je ne peux donner à mes parents le droit qu'ils ont sur moi. Ô Allah, je ne peux leur donner le droit qu'ils ont sur moi. Ainsi, ils demandent à Allah pour eux le bien et la miséricorde. Ainsi se comporte le musulman envers ses parents. Ainsi se comporte le véritable musulman envers ses parents, le musulman qui espère d'Allah et redoute son châtiment. Et sachez qu'Allah Azzawajal a fait, dans le fait d'obéir aux parents et d'être bienfaisant envers eux, a fait de cela une cause qui réforme les cœurs, qui augmente la bénédiction dans la pourvoyance. Et c'est une cause également qui permet de protéger et de bénir la progéniture et les petits-enfants. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومن التواضع المطلوب للدعاة إلى الله فالدعاة إلى الإسلام والدعاة إلى شرع الله يجب أن يكون عندهم التواضع التام هذا التواضع يظهر في حسن عرضهم لمحاسن الإسلام وأخلاق الإسلام ويعلم أن الدعاة إلى الله عمل من أشرف الأعمال بل هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله السابقين فليكن الداعي إلى الله على جانب من الحلم والصفح والعفو واللطف في الأقوال قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لا يقصد بدعوته شماتة الآخرين ولا إذلالا لهم وتكبرا عليهم وإنما هدفه إنقاذهم من الضلالة إنقاذهم من مخالفة شرع الله وهدايتهم إلى الطريق المستقيم ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم رأس المتواضعين في الدعوة إلى الله بحلمه وصفحه وتواضعه الجم ملك القلوب صلى الله عليه وسلم بأعماله وأقواله يقول الله عز وجل له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فكان صلى الله عليه وسلم أحلم الخلق وأكرم الخلق وأعظمهم تواضعا من رأى محياه أحبه وعرف أن وجهه وجه خير وهدى صلوات الله وسلامه عليه فالدعاة إلى الإسلام إن يكن عندهم تواضع أقبل الناس إليهم وأصغوا إلى مقالتهم واستمعوا لما يعرضونه وإن يكن تكبر وأنفة فإن ذلك يصرف الناس عنهم وعن قبول دعوتهم. Parmi la modestie qui est demandée également, la modestie qui est demandée, dont doivent faire preuve ceux qui appellent à Allah, les prêcheurs à l'islam, ceux qui appellent à la législation d'Allah Azzawajal, doivent faire preuve d'une parfaite modestie. Une modestie qui doit apparaître lorsqu'ils exposent l'islam et les comportements de l'islam. Que ceux qui appellent à Allah sachent que l'appel à Allah fait partie des actes les plus honorables. C'est le métier et la fonction de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la fonction des prophètes et envoyés d'Allah qui l'ont précédé. Ainsi que celui qui appelle à Allah azawajal fasse preuve de douceur, fasse preuve de gentillesse, fasse preuve de compréhension et de clémence dans les paroles. Il dit azawajal, appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Ainsi, celui qui appelle à Allah ne doit pas appeler à Allah dans le but de réprimander les autres, ni dans le but de les rabaisser, ni dans le but de s'enorgueillir vis-à-vis d'eux, mais le but de celui qui appelle à Allah est de sauver les gens de l'égarement, de les préserver, de contredire la législation d'Allah, de les guider vers le chemin droit. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la tête des modestes dans son appel à Allah azawajal. Il était doux, miséricordieux, sallallahu alayhi wa sallam. Il pardonnait, il était clément, avait de la pitié envers ceux qu'il appelait sallallahu alayhi wa sallam. Il a réussi à travers son comportement et ses actes, il a réussi à acquérir les cœurs. Allah Azzawajal dit, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as donné, que tu as été doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus douce des créatures. Elle était la plus noble des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Il était la plus noble des créatures et la plus modeste des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui voyait le visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissait dans ce visage le bien et la guider. Ainsi, les prêcheurs à l'islam, ceux qui appellent à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'ils sont modestes, les gens iront vers eux. Et les gens leur prêteront oreille et écouteront leurs exhortations. Par contre, si ces prêcheurs sont orgueilleux et s'ils font preuve de dureté, au moment où la dureté n'est pas souhaitable ou n'est pas convenable, alors cela ne fera que fuir les gens et fera en sorte qu'il n'accepte pas son appel. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من المتواضعين. اللهم اجعلنا من المتواضعين. اللهم اجعلنا من المتواضعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.